peasant, do you know when he'll be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Le beau bizarre. Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue au Beau Bizarre pour une émission consacrée ce soir à l'actualité, plus précisément à l'année 2011. On va vous proposer avec Fabrice et moi, Cédric, des disques sortis cette année qui nous ont beaucoup plu. Alex nous rejoindra la semaine prochaine. Alors Fabrice, on commence je crois avec un groupe totalement méconnu. Oui, un groupe de petits jeunes, j'en dis pas plus pour l'instant. C'est un groupe anglais qui fait des débuts tout à fait prometteurs, comme on va pour l'entendre tout de suite. L'esprit libre. Yeah. Oui, vous venez d'écouter The Black Lips, un morceau intitulé The Best Napkin I Have Had, la meilleure serviette que j'ai jamais eue, qui est paru en 2010 sous la forme d'un split single avec un groupe qui s'appelle Pierced Arrows. Un split single, si vous savez pas ce que c'est un 45 tours en fait, avec sur chaque face un groupe différent qui fait un seul morceau, pour l'information. Donc, les Black Tips qui viennent de sortir un nouvel album cet été qui s'appelle Arabian Mountain, dont on n'a pas voulu passer de titre ce soir parce que le morceau que nous avons choisi correspondait mieux au groupe précédent que je vous ai lancé tout à l'heure. Vous avez sûrement reconnu les Rolling Stones, un de leurs premiers singles qui était paru en 1964, Money, et qui correspond à leur meilleure période et une période qui inspire encore de nombreux artistes aujourd'hui, puisque vous avez pu sans doute mesurer la proximité musicale entre le style des Rolling Stones de l'époque 1964 et celui des Black Lips de 2010. Et là nous allons passer à quelque chose de complètement différent avec un morceau de Dominique Petitgan, L'impossible, c'est le titre du morceau qui est paru sur un album sorti cet été aussi qui s'appelle Mon Possible, et on retrouve une sorte de cinéma sonore de Dominique Petitgan, fait d'essentiellement de voix, de montage de montage cinématographique, de témoignages de gens qu'on retrouve, dont on reconnaît les voix d'album en album, puisqu'il a commencé sa carrière il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc on va écouter tout de suite L'impossible. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. L'impossible. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là. Elle me demande là.

Oui, c'était Raval, d'un compositeur argentin, Gustavo Alfredo Santa Olalla, qui a déjà fait différentes bandes son pour le réalisateur Alejandro González Iñárritu. Et c'est un morceau assez étrange, assez beau et bizarre, comme l'émission, puisqu'il mêle à la fois des guitares très européennes et puis une ambiance un petit peu africaine. Un mélange assez étrange qui collait bien au film pour ceux qui l'ont vu. Et puis nous allons enchaîner avec je regarde mes notes, excusez-moi, avec Gis Quateron et Jamie XX, et un morceau intitulé The Crutch, tiré de l'album We're New Here, paru en février 2011, qui est lui-même une sorte d'album remix de l'album de Gis Quateron qui était paru en 2010 et qui s'appelait I'm New Here. Voilà Gis Quateron qui nous a quitté en cette année 2011. Je lui laisse la parole. Libre. Thank you. Superbe morceau du défunt Gilles Scott Heron, qui nous a quitté donc il y a quelques mois. On a enchaîné avec le groupe de Tom York, Radiohead, un titre qui s'intitule Codex, sorti sur l'album The King of Limbs, qui est sorti donc il y a quelques mois. Un groupe donc qui a connu ses heures de gloire il y a quelques années, mais c'est vrai que cet album est plutôt passé inaperçu, alors qu'il possède de très belles pépites comme Codex. On va maintenant écouter un Montpelliérain, qui est plus connu sous le nom d'Abovo, musicien plutôt porté sur les musiques électroniques. Il s'agit de Jérôme Chassagnard. Le morceau s'intitule Silent City sur l'album The Time From Underneath. On se retrouve tout à l'heure. Thank you. Vierge, l'esprit libre. Under a spell of a random feeling, weak, agitated, momentary breathing, heavily, need to know the reasons and the severity. Stop from spinning out of all regularity, clarity, sliding. Drugs are colliding, lesions multiplying, because the body is tiring, because the body is tiring, because the body is tiring. Question generating different answers. Tell me, on vient d'écouter Jérôme Chassagnard, puis ensuite Code 9 and the Space Ape. Le morceau s'intitulait Black Smoke sur le l'album Black Sun. Alors Code 9, ce qui c'est, c'est un DJ londonien, un producteur de dub et qui est aussi le créateur du label, le fondateur du label Hyperdub. On a pu l'écouter cet été à 7 en DJ. Et puis maintenant, on va aussi écouter à la suite Preview 73, nouvel album sur le label prestigieux Warp, label électronique. Le morceau s'intitule Trial of 900 Suns et l'album s'intitule The Only She Chapters. L'esprit libre. Thank you. On vient d'écouter Arnaud Robotini, artiste prolixe, membre notamment des Black Strobe, DJ Moustachu qui est un des piliers de la musique électronique française. Vous pouvez remarquer que ce morceau est très marqué par l'allemand Klaus Schulze, un grand électronicien des années 70. Le premier album de Robotini était plus marqué par l'électro du début des années 80, du milieu des années 80. Celui-ci est dans un style plus différent, plus trance. L'album s'intitule Someone Gave Me Religion. Et on vient d'écouter The First 13 Minutes of Love. Effectivement, beaucoup de sentiments dans l'électronique de Robotini. Voilà, et bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. On se retrouve avec Alex, promis juré, la semaine prochaine. Même fréquence, même jour, même heure. D'ici là, passez une bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Wherever you, baby. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a sentimental song. Grand prix, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? So as not to wake you, asleep in your Rester que l'oreille.